certaines pensées ont un certain son qui équivaut à une forme. Par le son et le mouvement, vous arriverez sans peine à paralyser les nerfs, à briser les os, à mettre le feu, à étouffer un ennemi ou à le faire exploser. Nous tuerons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un Harkonnen vivant dans la ville d'Arrakeen. Jazz is not dead, it just smells funny. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il vient du vaisseau. Quelque chose qui vous aide à avoir une réponse?